La radio sud-coréenne CBS a critiqué le discours, les comportements scandaleux de Park Geun-hye, qui présente de faux témoignages pour ses 7 heures passées lors de la submersion du paquebot Sewol. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibon annonce que le comité de promotion de création du Parti de la jeunesse a tenu le 9 courant une conférence de presse sur la place Gwanghwamun à Séoul et publié la déclaration des 416 jeunes à l'occasion de 1000 jours de la submersion de Sewol.